Elle est pour la période de questions. Qui dirigeait le bien et le mal avant le comte de Saint-Germain? Il y a énormément de traditions qui cherchent et qui prétendent et qui mettent des directeurs du bien et du mal avant la venue de Lazare. Lazare est venu au monde dans sa conscience en Lémurie, fin époque lémurienne. Il a vécu en Atlantide. Il a côtoyé un peu Noé dans les îles Galapagos, son laboratoire animal. Il a vécu par la suite en Europe, sous le nom d'Hiram Abiff. Et il a été le grand architecte qui a permis la construction et l'érection d'un temple, celui de Salomon. Il a nécessairement, Saint-Germain, connu le Nazaréen, étant donné qu'il a vécu dans un corps connu sous le nom de Lazare. Et lorsque le Nazaréen l'a ramené du monde de la mort après son initiation fusionnelle, il a ramené avec lui Jean le Baptiste. En Lémurie, la conscience de l'homme est apparue. En Lémurie, Saint-Germain est apparu. Avant que le Nazaréen donne l'autorisation à Lazare de pouvoir contrôler le bien et le mal, et depuis ce temps, c'est lui qui le contrôle, qui contrôle les guerres, qui contrôle tout ce qui se passe ici, qui contrôle le bien et le mal. Lorsque l'on contrôle les deux états, on contrôle tout. Avant, le mal n'avait pas la puissance et le bien n'avait pas de puissance non plus. Pendant un grand laps de temps, ce sont les forces géoviques qui ont contrôlé les structures du bien et du mal. Par la suite, les forces iaviques. Et cela a été donné par la suite à des Melchisedec qui ont remis ce contrôle du bien et du mal dans les mains du Nazaréen qui l'a délégué presque immédiatement dans les mains de Lazare. On va finir. J'ai vu un écureuil écrasé. On ne voit jamais un écureuil écrasé. On voit toujours un corps d'écureuil. Ça donnait de la fourrure après de la viande. Où était partie la vie? La vie était encore dans le corps, et lentement, au fur et à mesure du pourrissement du corps physique, l'énergie vitale a tendance à se dégager, c'est-à-dire qu'elle se simplifie, elle se scinde. Une grande partie de la vie qui permettait l'accumulation organisée des molécules qui constituaient l'écureuil gagne le monde moronciel, l'endroit de la vie sans le corps physique. C'est là que les âmes vont après la mort du corps physique, en attendant leur intégration dans le ciel, le monde de la mort. Et le reste de la structure intra-atomique reste là, se scindant parce qu'il est perdu cette structure moroncielle qui permettait l'accumulation orchestrée et organisée de la vie. Et le reste reste là, permettant la création de molécules différentes et d'associations moléculaires, engendrant des décompositions comme l'azote, permettant la nourriture, le nourrissement de bactéries et de différentes autres substances ou d'autres structures vivantes de notre planète. Dans un accident que le vital est touché, dans un accident que le vital qui est touché, puisque le tout ne touche pas au corps, pourquoi le vital, s'il est fluide, meurt-il d'une onde de choc? Bon. L'énergie vitale, elle est de plusieurs ordres. Il y a l'énergie tellurique de type yin, l'énergie solaire de type yang et l'énergie ominale de synthèse que seul l'être humain possède. L'énergie vitale, maintenant, possède différents niveaux d'évolution ou de perfection, de subtilisation. Alors, on a l'énergie vitale des minéraux, de la matière solide, qui la constitue, mais qui ne peut pas la faire croître. Il y a l'énergie vitale des végétaux, qui a la faculté de démolir l'énergie vitale des minéraux, l'associant à elle-même, ce qui permet la croissance. Il y a l'énergie vitale des herbivores, qui capte l'énergie vitale planétaire par le biais de sa nourriture, des végétaux. Et le carnivore plus évolué, de donc manger l'herbivore. Et finalement, l'association de toute cette mécanicité, l'omnivore, en l'occurrence l'homme et quelques autres animaux, permet de ramasser l'énergie vitale et de la conserver. Lorsque le corps physique est touché, le corps physique devient la structure mémorisante qui conserve totalement l'évolution de l'homme. Lorsque le corps physique est détruit, en ce sens que lorsque certaines structures essentielles à la stimulation continuelle de l'énergie vitale, il faut bien comprendre que l'énergie vitale qui permet l'animation d'un corps vivant, une plante un peu, mais surtout l'homme, les animaux, les carnivores et par la suite les herbivores. L'homme, son énergie vitale est une énergie plus ou moins instantanée. Et elle conserve de la mémoire, c'est la génétique, la structure qui lui permet de conserver la forme de son corps physique, altérable à la longue par la psychologie. On peut le trouver dans les lignes de la main, dans le visage. Cette énergie vitale, elle doit rester instantanée et pour cela, il a besoin d'un mouvement. Un mouvement continuel, un mouvement relié à une horloge très particulière. Cette horloge très particulière a comme correspondance matérielle le corps physique, en l'occurrence le cerveau, c'est-à-dire la dépolarisation sans cesse continuelle à l'intérieur de ce cerveau. Cela engendre une horloge qui permet d'une gestation et une structuration complète d'une mécanique qu'on appelle la vie à l'intérieur d'un corps physique qui, comme tel, a une horloge beaucoup plus rapide, une horloge atomique, la vibration intra-atomique de la structure de ces molécules. Cela veut dire que cette horloge neuronique, l'horloge cérébrale, permet une temporisation des structures de la vie par une vibration particulière qui permet à la vie, à l'énergie vitale plus élaborée de rester au niveau du corps. Et cela peut être amené à cause que le système neuronique a la faculté de conserver sa structuration, sa programmation pour permettre la création, la gestation et la structuration de cette horloge neuronique, d'une horloge qui permet à l'énergie vitale d'avoir des substances matérielles pour être supportées. Donc, une horloge matérielle, neuronique entre autres, et un peu gliale, qui permet à l'énergie vitale d'avoir une correspondance matérielle pour pouvoir résonner, vibrer dessus. Le cerveau, par contre, a ses faiblesses. Il doit être nourri par une horloge encore plus lente, en l'occurrence, l'horloge du cœur. Ce cerveau a besoin de sang, il a besoin d'oxygène, il a besoin de dextrose. C'est l'énergie qu'il a besoin pour être capable de supporter l'anti-vieillissement nécessaire ou, disons, nécessairement créé par sa vibration neuronique, la condition qui permet de conserver la première horloge. L'horloge neuronique permet la réflexion du corps de l'homme, permet la perception vitale, permet la conscience chez l'homme, et elle doit être alimentée, soutenue nécessairement par la matière, alimentée par le système corporel. Pour que le corps puisse fournir des aliments au cerveau, en l'occurrence le dextrose et l'oxygène, le corps a besoin d'une énergie qui est amenée par une horloge encore plus lente, en l'occurrence un système digestif, un système respiratoire, un système excréteur. Pour que le corps puisse fonctionner à un niveau plus proche de la matière, le corps doit être nourri par le sang, mais il doit être conditionné par un système hormonal et nourri par des minéraux, par un paquet d'autres choses différemment du cerveau qui n'a besoin, des neurones qui n'ont besoin que de l'oxygène et du dextrose, d'une forme de sucre. Et lentement, pour que tout cela puisse fonctionner convenablement, c'est-à-dire que pour que le cœur puisse avoir l'aliment qu'il a besoin, une bouche et un système digestif doivent être fournis. Le système digestif est l'horloge la plus lente du corps physique. Il entre en contact avec l'extérieur pour l'assimiler. En entrant en contact avec l'extérieur, il a besoin de mobilité parce que nécessairement, tous les aliments ne viennent pas toujours à lui. Dans le cas de la plante, oui. Dans le cas des animaux, oui. Dans le cas des requins, oui. Il peut se déplacer, mais il peut aussi rester fixe et attendre sa proie. Mais l'homme, qui a un système d'évolution plus complexe parce qu'il a une âme qui a besoin d'expérimentation, doit donc se déplacer. Se déplaçant, il a besoin de jambes, il a besoin de bras, et nécessairement, il a besoin de tout un système qui permet au corps de pouvoir permettre la vie. Lorsque le corps physique est atteint, le corps vital n'est pas touché. Étant donné que le corps physique est atteint, si le corps physique ne peut pas continuer à fournir l'aliment nécessaire au cerveau, en l'occurrence l'oxygène et le dextrose, par un cycle qu'on appelle le triangle de vie, c'est-à-dire que ce qui est le plus important à la vie du corps physique, c'est les poumons, la respiration, le cœur, la circulation de l'oxygène et le cerveau, la légifération des deux autres structures. Lorsque le corps physique est suffisamment atteint, si le cerveau manque de conditions, le cerveau baisse immédiatement en vibration, c'est-à-dire que les neurones n'ont plus la capacité de vibrer au rythme nécessaire à l'horloge vitale, et nécessairement le corps vital tend à se dissocier du corps physique. On appelle cela la mort blanche, c'est-à-dire que c'est une mort temporaire. Si on arrive à réoxygéner le corps physique de l'homme, le cerveau entre autres, son système endocrinien, etc., eh bien du plan moronciel, l'âme qui n'est pas encore morte mais qui est détachée du corps physique peut revenir. Pourquoi un automobile qui frappe un corps physique, si elle altère suffisamment le corps physique, altère nécessairement les conditions qui permettent à l'horloge neuronique cérébrale de conserver chez lui la vie? Alors, on peut vous couper les jambes, vous resterez vivant. On peut vous couper le bras, vous resterez vivant. On peut vous mettre sur un respirateur. On peut éliminer tout le corps sauf la tête, si on a la faculté de nourrir le cerveau, et vous resterez vivant. Mais gardez les jambes, gardez le cœur, gardez les poumons, ôtez le cerveau, vous êtes mort. En conscience, puis-je voir objectivement, réellement, que j'évolue, que je change? En conscience, ce n'est absolument pas nécessaire de savoir et de voir que l'on évolue, que l'on change. Parce que l'être humain vit une conscience, Il n'a pas besoin de se comparer ni aux autres, et nécessairement pas à lui non plus. Il vit. Lorsqu'il a faim, il mange. Il se dit pas, ouais, j'ai plus faim qu'hier, c'est bon. Pas besoin. J'ai plus faim qu'un autre, c'est bon. Pas besoin. Lorsque l'être humain évolue en conscience, ce genre de questions disparaissent complètement. Je dis qu'on est ici. Moi, je ne suis pas sûr que je suis ici. C'est pas un problème. Tout à l'heure, je peux vous envoyer voir une personne en bas qui fait de la boxe. Puis, elle va vous expliquer. En tout cas, je suis ailleurs. Et je voudrais bien y aller moi aussi. C'est un effet. Donc, on parle d'autres choses. On va revenir. Pourquoi est-ce que je. Est-ce que le jeu qui descend et non. Pourquoi est-ce le jeu qui descend et non le jeu qui monte? C'est simple. L'individu humain a un ego, une âme, qui est pluriconstitué, constitué de plusieurs facettes. Premièrement, constitué de plusieurs mécanismes réincarnationnels, ce sont des mémoires de plusieurs individus qui, plus ou moins fusionnés dans le monde de la mort, se réincarnent dans un corps physique. Pourquoi on ne se rappelle jamais de ce qu'on a fait? On s'appelle des bribes. Par l'hypnose, on va fouiller dans le monde de la mort, puis on peut s'inventer une histoire, puis on peut y croire. Bon, c'est intéressant. L'être humain a de temps en temps des parties de son ego qui veulent se paradisier, c'est-à-dire qui veulent rejoindre ce que la tradition appelle la Jérusalem céleste, c'est-à-dire retourner dans le monde astral, le ciel, qui étaient là lors de leur naissance, lors de leur réincarnation, lors de leur effusion planétaire. Et si certaines parties de l'ego de l'homme ont une tendance à fouiller là, eh bien, il instruit le reste de l'ego dans le corps de l'homme qu'il n'y a pas de limitation là où il est, bref, il n'y a pas de corps physique, c'est dans le monde de la mort. Il n'y a pas d'évolution non plus, donc il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de changement, il n'y a aucune condition évolutive. Dans le monde de la mort, on n'évolue pas. Et l'individu est toujours confiné à vivre une espèce de bilocation de personnalité, un dédoublement de personnalité mineure, qui n'est pas un dédoublement comme nous connaissons lorsque l'ego pluriconstitué ne s'est absolument pas fusionné, et on peut retrouver ça dans des cortex pathologiques où un être humain vit des dédoublements de personnalité. Dans ce cas-là, l'être humain vit une espèce d'autisme, c'est-à-dire qu'un enfant autistique qui est un enfant habité par un système réincarnationnel qui refuse la réincarnation, et donc le phénomène réincarnationnel est toujours en train de fouiller dans le monde de la mort, ce qui oblige l'enfant du point de vue planétaire à être totalement renfermé sur lui et à vivre dans un monde qui ne connaît que lui. Et la personne qui, de temps en temps, a l'impression d'être ailleurs, il y a en l'occurrence le phénomène qui peut amener l'idée qu'elle peut avoir quelques parties de sa réincarnation égoïque qui reste autistique et qui continue à rester paradisé dans le monde de la mort, refusant le système évolutif du monde de notre planète. Il y a une autre chose aussi, de temps en temps, c'est que le corps astral, l'âme, a une tendance fallacieuse, étant donné que le corps physique manque de certaines substances, à toujours être déphasé du corps physique, ce qui donne l'impression à la personne d'avoir un corps assis là, mais de flotter un peu à côté, de ne pas tout à fait être où elle est. Normalement, pour régler cela, on mange de l'ail. Bon. L'homme peut-il être complètement anégoïsé et continuer à vivre sur Terre? Oui. Ou s'il meurt quand l'anti-homme est expulsé, comme l'ego du Nazaréen expulsé sur la croix. En réalité, dans le cas du Nazaréen, l'ego n'a pas été expulsé. C'est la conscience christique qui s'est expulsée. Il est resté sur la croix. L'ego est le corps du Nazaréen. L'ego de l'enfant Jésus qui a été manipulé et possédé par le Christ vers l'âge de 11 ans. Dans le cas d'un être humain qui est tout à fait anégoïsé, nécessairement, il peut vivre sur la planète Terre, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il est même immortel, alors ce n'est vraiment plus un problème. Par contre, on pose la question... Si la personne anégoïque peut vivre dans une société comme la nôtre, eh bien oui. La pollution, ça ne le dérange pas. Tous les problèmes humains ne le dérangent pas. Quand une automobile fonce sur lui, l'automobile est brisée en morceaux, mais pas lui. Il n'y a pas de problématique. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il verra suffisamment l'intelligence de sauver son énergie, donc il fuira normalement les masses. Qui suis-je? Plutôt, où suis-je? Où est mon esprit? En réalité, on ne peut pas poser la question « Où est mon esprit? » parce que l'esprit n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à l'esprit. Ma conscience, c'est la même chose. Ma conscience s'achemine-t-elle vers mon esprit? La conscience chez l'homme, c'est nécessairement de l'esprit. Par contre, l'expérience de la conscience de l'esprit engendre l'âme, engendre la mémoire de la conscience, engendre l'idée qu'on se répète les mêmes phrases. « Hey, ça c'est bien dit ça, il faut que je retienne ça. » La conscience, ça c'est la mémoire de la conscience, une conscience mémorielle, ce n'est pas une conscience réelle, instantanée. Qui suis-je? L'individu ne peut pas poser cette question pour la simple raison que c'est l'âme qui pose la question, et étant donné que l'âme n'a la capacité de se connaître qu'à partir des traces qu'elle laisse, elle sait toujours ce qu'elle était, mais elle ne saura jamais qui elle est. À un moment donné de l'évolution de l'homme, lorsqu'il commence son initiation, celle que j'ai parlé tout à l'heure, celle d'aujourd'hui, celle de cette fin 20e siècle, lorsque l'être humain commence aussi à vivre un peu ce phénomène de la fusion, qui suis-je n'a plus aucune importance. Alors l'être humain va simplement exprimer d'une façon endoformique par un nombre de formes particulières ce qu'il est. Il aura un nom particulier et il dira « Je suis Daniel » ou « Je suis Marcel » ou « Je suis Pierre ». À un moment donné, il aura un autre nom, alors il sera ce nom. Le nom étant la correspondance vibratoire qui définit le mieux ce qu'il est. Mais il ne posera pas la question « Qui suis-je ?» pour avoir l'idée des qualités, ni en quantité ni en qualité de ce qu'il est. Je suis un être humain évolutif, c'est pas mal. Comme le chevreuil qui mange dans le bois. Je suis un chevreuil qui mange dans le bois. Qui mange dans le bois, il n'y a pas besoin de poser des questions. Alors finalement, lorsque l'être humain évolue, parce que l'idée de savoir qui nous sommes, c'est une peur inconsciente de l'ego, qui essaie continuellement, parce que l'ego, c'est comme un œil. Ça voit, mais ça ne se voit pas. Et nécessairement, comme l'ego est sécure, lorsqu'il connaît tout ce qui l'entoure, il veut se connaître. Il se connaît par l'expression hormonale dans son corps physique, mais étant donné qu'il est toujours en retard sur le passé, l'ego ne peut pas savoir qui il est. Alors la question « qui je suis », elle est toujours posée par l'ego et elle n'aura jamais de réponse. Plutôt, où suis-je? C'est une question qui ne se pose pas. Pour la simple raison que nous sommes, présentement, là, on peut répondre à la question, où suis-je? Ben, vous êtes dans une salle, à côté d'un individu. La salle est sur la planète Terre, c'est-à-dire qu'elle est localisée au coin de l'Esplanade et de Crémazie. Mais, dans la ville de Montréal. Mais la ville de Montréal, elle est où? La ville de Montréal, elle est dans la province de Québec, près du fleuve Saint-Laurent. Tellement près qu'elle est dessus. Mais la province de Québec, c'est où? C'est au Canada. Le Canada, c'est où? Sur la planète Terre. La planète Terre, elle est où? Elle est dans le système solaire. Le système solaire, il est où? Il est dans la Voie lactée, notre galaxie. Notre galaxie, elle est où? Elle est dans un univers local. Mais notre foutu univers, il est où? Dans un super univers. Notre super univers est où? Dans la création. La création, elle est où? Elle n'existe pas. Notre univers est un monde qui est fini, mais qui n'a pas de limites, n'a pas de frontières. Alors nécessairement, où suis-je par rapport à rien? C'est nulle part. Alors on peut connaître notre position, où suis-je, seulement par comparaison à l'extérieur. Quel est mon degré d'évolution? Oui, ben, je peux te le dire, par rapport à une grenouille, à un cheval, à un être humain, à un maître, par rapport à quoi je donne ton niveau d'évolution. Fait que si tu fais bien évoluer, tu te dis, bien, par rapport à une grenouille. Fait que là, je dis, ah, t'es très, très, très, très évolué, tu es un dieu. Mais finalement, par rapport à quoi? À rien. Bon, bref, des questions que c'est intéressant de se poser, mais qui n'auront jamais de réponse convenable. Où est mon esprit? Là où il se trouve. Mais il n'y a pas de coordonnées géospatiales ou temporelles pour un esprit. La conscience s'achemine-t-elle vers mon esprit? Plus la conscience est présente, plus l'esprit est présent. Moins l'esprit est présent, moins la conscience est présente. Nécessairement, on a toujours la mémoire de la conscience, qui peut provenir des autres aussi. J'ai un job super débile. Intéressant. On appelle ça le positivisme. J'essaie de me dire, en regardant mon patron, que ça m'anégoïse. Cessez d'essayer, dites-le donc. Mais ça m'abrutit, plutôt. Oui, parce que la personne résiste énormément à la négoïsation. Il y a beaucoup d'individus qui veulent évoluer comme ça. Je veux une épreuve, comme par exemple, gagner la loterie. Je veux évoluer comme ça. Mais je veux une épreuve, mais pas perdre ma maison. Même, c'est comprenez, je veux évoluer, je veux pas... Bon. Alors, on veut s'anégoïser avec la personne qui nous anégoïse. De notre choix. Fiez-vous à l'ego pour choisir la bonne personne. Puisqu'en face de lui, mes neurones ne travaillent pas fort. C'est merveilleux. Merveilleux. C'est plutôt lui que ça anégoïse de travailler avec moi. Pourquoi est-ce que je me sens abruti? Est-ce ça, s'anégoïser? La satisfaction du 9 à 5. Bon. S'anégoïser, ça ne veut pas dire souffrir. Mais normalement, l'individu qui s'anégoïse doit souffrir. Par contre, s'anégoïser, ça ne peut pas se faire par désir de l'ego. Je me dis en travaillant avec mon patron que ça m'en égoïse. Ça, c'est de l'intellectualisme. Ce n'est pas de la mentalisation et ce n'est pas de la logifération. Ce n'est pas de l'intelligentiation. C'est de l'intellectualisation. C'est comme ceux qui disent « Oh, Dieu t'aime quand même! » Le « quand même » veut simplement dire que pas mal à côté de la traque. Alors, je me dis que ça m'en égoïse. Oui, ça, c'est de l'intellect pour essayer de supporter la condition. Mais on ne s'en égoïse pas. L'individu doit devenir humble. La négoïsation, c'est de l'humilité totale. Humilité totale, et ça n'a pas le choix, on n'a plus d'ego, on n'a plus d'âme. C'est tout à fait humble. À la condition que le mental reste, ça crée un être humain. Et par la suite, un sur-être humain. Alors, lorsqu'on travaille avec une personne, là, ici, il demande, est-ce que je me sens, pourquoi est-ce que je me sens abruti? Pour la simple raison que la personne passe son temps à lutter contre la négoïsation. Elle a déterminé les paramètres de ce que ça devrait être son travail. Et c'est extrêmement compliqué, pénible. Oh, elle peut changer d'emploi, elle peut aussi travailler pour le gouvernement fédéral, devenir assistée sociale. Mais lorsqu'un individu est dans un contexte où justement son cerveau se gèle, c'est que l'ego, l'anti-homme, s'exprime d'une façon extrêmement puissante. Alors, il essaie de trouver des raisons intelligentes pour rester là, pour ne pas trop sauter. Mais ce sont des raisons intellectuelles, intellectuantes. Et nécessairement, ça ne donne rien. Voyez-vous, s'ajuster en face d'un individu ne demande pas un effort de l'intellect. L'être humain qui est ajusté n'a pas besoin de s'ajuster. L'être humain qui n'est pas ajusté a besoin de s'ajuster. Alors, l'être humain qui s'anégoïse, s'anégoïse. Il n'est pas besoin de se dire, ah tiens, j'en profite pour m'anégoïser. Ce qu'il n'aimera pas va l'anégoïser. L'individu qui, dernièrement, j'étais dans la forêt avec des personnes qui travaillent certaines choses, et puis il y a une personne qui s'est déboîtée une cheville, enfin, qui s'est pris une cheville. Alors, ça l'a enflé plus que sa tête, une grosse tête. Ça l'a enflé assez. Et puis là, j'ai dit, c'est ça, on est ici pour s'anégoïser. Fait que là, peut-être, là, on va t'envoyer dans un hôpital, passer des radios, puis s'il donne fracture, on te répéterait à Montréal. Ah, vous ne voulez pas. C'est ça, la négoïsation. Et par la suite, le médecin, les radiographies n'ont pas vu de fracture, alors elle est revenue dans le bois avec ses béquilles. Ah, je vais m'anégoïser ici. Mais c'est plus de la négoïsation, là. La négoïsation, c'est briser les formes. C'est accepter les choses telles qu'elles sont. Tu as un pied cassé, tu mets un plâtre, tu fermes ta boîte. La personne, elle veut s'anégoïser. Elle a son plâtre, elle va l'oratoire à Saint-Joseph. Elle ne s'anégoïse pas. Si je désire être avec un homme et me marier, ouais, et que j'ai une importance cosmique, est-ce que l'intelligence va tout faire pour m'écœurer et que ça n'arrive pas? Ben, peut-être que l'intelligence va écœurer l'autre aussi, remarquez bien. Pourquoi ne me permet-elle pas d'évoluer comme 99,999% des gens et comme toi avec un support astral pour tes vieux jours? Mes vieux jours, moi, c'est dans quelques milliards d'années. Hein? Bon. Alors, je ne sais pas trop si mon support astral va pouvoir se dire. Être là encore à l'époque. Hein? Pourquoi l'intelligence ne lui permet-elle pas d'évoluer comme 99,999% des gens? Il ne faut pas penser que moi, j'évolue comme 99,999% des gens. J'évolue plutôt contre 99% des gens. Si vous avez une importance cosmique, l'être humain, qu'est-ce que c'est qu'avoir une importance cosmique, premièrement? Avoir une importance cosmique, cela veut simplement dire que votre génétique, votre constitution neuronique et endocrinienne est suffisamment solide pour être un réceptacle à de l'intelligence, à de l'esprit. Ça veut nécessairement dire qu'à partir de cet instant, toutes les contingences archangéliques qui manipulent l'évolution des troupeaux humains dans l'astral et sur la planète Terre n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent de vous. À un moment donné, on vous assassine. Ça instruit l'astral, ça crée des chocs dans ceux qui vous voient assassiner. On vous tire une balle à travers la tête, ça l'éclate. C'est très stimulant pour le monde de la mort de voir des choses comme ça. À un moment donné, vous avez une importance cosmique. Non, tu es n'importe qui, mais pas lui. Le corps physique est trop important. À travers l'importance du corps physique, descend nécessairement la conscience. Et si l'intelligence s'intéresse à votre corps, dans la majorité des cas, ceux qui viennent ici au centre ou ceux qui vont voir quelques rares autres conférenciers dans la province de Québec, l'intelligence s'intéresse à eux. Ces êtres humains vont vivre l'initiation, la vivre déjà, vont avoir un double éthérique, vont avoir une fusion. Nécessairement, votre corps n'appartient plus à votre âme. Toute l'évolution de l'humanité est une évolution amique, lunaire, animale. Le corps appartient à l'âme. L'âme a faim de crème glacée. Le corps mange la crème glacée. L'âme a faim de corset pour avoir pas de bédaine, puis manger de la crème glacée. Le corps met le corset. L'âme veut avoir de la nicotine. L'âme veut se sentir collectivement aussi bon que les autres. Le corps fume. Même si dans le corps, on a des poils nasales pour filtrer l'air. On a des petites lamelles qui réchauffent l'air, qui l'humidifient. On a même des cils vibratoires dans les bronches, dans la trachée, pour remonter ce qui aurait réussi à passer. On a même de liquide qu'on avale régulièrement. On en avale à peu près une pinte et demie par jour, qui ramasse le peu qui reste. On a aussi un paquet d'anticorps à l'intérieur des alvéoles pulmonaires pour préserver encore. Il faut que ce qui rentre soit pur. L'ego veut mettre de la boucane maintenant. Ben, le corps veut. Le corps, eh oui. La peau, il faut que ça respire. Ben, l'ego décide de se mettre de la peinture. Alors, j'y maquille. Bon. Le corps a besoin de prendre du soleil un peu, de prendre de l'air. Ah, oh, mais l'ego, il préfère mettre des souliers, il préfère faire ci, faire ça. Ben, le corps le porte. Ça appartient. Le corps est fatigué, mais l'ego veut écouter la vue. Le corps écoute la vue. Et puis, quand le corps veut faire quelque chose que l'ego veut pas, ben le corps, il fait pas. Je veux dire que le corps soit malade, il n'a pas le choix. C'est pas que le corps veut, le corps n'a plus le choix, il est tout démantibulé. Mais lorsque, à un moment donné, le corps physique devient intéressant du point de vue de la génétique, vous pouvez avoir un ulcère à l'estomac, vous pouvez avoir un cancer du poumon, ça n'empêche rien, ça ne change rien, votre système neuronique et endocrinien. Ce n'est pas un état, beaucoup de malades peuvent être très intéressants du point de vue de la génétique. Alors, à un moment donné, bien, votre corps ne vous appartient plus, ni votre vie, qui d'ailleurs ne vous a jamais appartenu. Mais vos désirs collectifs ne peuvent plus être assouvis. L'intelligence commence à vous instruire de d'autres choses. Je connais une personne, moi, qui a une automobile. Elle appelle ça une automobile. Alors, c'est une vieille auto. Elle va au garage et puis elle dit toujours, mettez de l'huile, vérifiez l'essence. Et puis elle met 500, 800, 1000 $ par année en entretien. Pas des réparations, de l'entretien. Son char est bon. Et puis, dernièrement, elle n'avait pas l'argent pour faire immatriculer son automobile. Et puis, elle l'a quand même pris. Ça coûtait 180 quelques dollars, elle n'avait pas l'argent. Et puis maintenant, ben, ça coûte 200 $ de plus parce qu'il y a un policier qui l'a vu. Tout ça parce qu'elle risque de se tuer avec son automobile. Alors, tout est fait pour qu'elle ne la prenne pas. Et elle ne la prendra pas. Et la personne, elle fait tout, elle ne comprend pas, elle va voir les tireuses de cartes, elle essaie de savoir qu'est-ce qui lui arrive. Elle a changé de char. L'intelligence, quand l'intelligence s'intéresse à un être humain, attendez-vous pas à ce que vos vies restent ce qu'elles étaient. Non. L'intelligence, ça amène de l'intelligence dans le monde. L'intelligence, ça amène nécessairement de la logistique. L'intelligence, dans le monde astral, donc dans le monde de l'homme, amène toujours des séparations, des souffrances du point de vue de l'âme et de l'ego, de l'incompréhension, des guerres, des mutations. L'individu qui est relié de l'intelligence ne doit absolument plus penser pouvoir mener une vie comme il la faisait avant. Il faisait l'amour régulièrement, il allait au cinéma quand il s'entêtait, il buvait de la bière, fumait des cigarettes, un joint de temps en temps, c'est pas grave, ça dérange pas, il y en a d'autres qui l'ont pris et qui ne sont pas morts, pas encore. L'intelligence s'occupe de lui, il va prendre sa bière, il va être malade. Malade. Il ne comprendra pas. Ah, c'est la bière. Mais oui, c'est la bière. Il est tombé sa mauvaise bouteille. Mais il sera toujours un malchanceux. Jusqu'à un moment donné où il va arrêter de vouloir évoluer en se grattant la face sur le mur de ciment qu'il paramètre. Quand il va commencer à vouloir marcher entre les deux murs, ça va aller bien. Mais là, il va falloir qu'il perde ses amis, les buveux de bière. Il va falloir qu'il perde ses amis. Il ne pourra plus les joindre, ceux qui fument de la drogue. Et la vie va changer. Alors la femme, elle veut rencontrer un homme, l'homme veut rencontrer une femme et puis vivre des parties de l'ego qui veulent vivre le schéma normal, se marier, marier ou pas marier, mais du moins s'accoter, pour pas trop tomber. Et puis ici, l'intelligence ne veut pas pour la simple raison que n'importe quel être humain qui viendrait se coller à cette personne-là viendrait la colorer. Elle fera ce qu'elle voudra. Ça ne marchera pas. Et la journée qu'elle va dire, bon, ben, puis merde, je laisse tomber. Pouf, elle va tomber sur le plus beau des gars. Et là, elle va lutter contre, elle va dire, non, là, ça fait 3 ans que je cherche, là, je veux plus, là. Puis là, c'est le gars, qu'elle voudra pas. Puis là, elle va tout faire, puis ça va continuer à souffrir. Tant qu'elle veut, on y en donne pas. Quand elle voudra pas, on y en donne. Ça permet des sécrétions hormonales. Et puis, comme ça, elle continue son évolution. Et puis, finalement, ben, elle va finir par tomber dans les bras du gars. Et puis, le gars va changer aussi. Et puis, c'est très intéressant, la vie de l'homme. Expliquez-moi ce que Casey voulait dire quand il parle de fils de Bélial et du fils de... C'est intéressant, du fils de l'un qui voulait se servir des choses pour se faire leurs esclaves. Pour en faire leurs esclaves. J'avais parlé surtout d'Edgar Casey, plutôt. Bélial, c'est bien. Edgar Casey est un bonhomme qui était manipulé par les hautes sphères spirituelles du monde de la mort, là où nous retrouvons les mémoires des grands maîtres, les mémoires des... qui constituent finalement la haute divinité, les dieux, ces choses-là. Étant donné qu'Edgar Casey avait une génétique, un corps physique, un phénomène biologique qui lui permettait de transpirer de l'énergie vitale, il avait la faculté de guérir certaines personnes. Mais il avait surtout la faculté, par son canal réincarnationnel un petit peu trop large, de gagner le monde de la mort. Il avait des contacts avec des contingences hautement spirituelles qui lui permettaient d'avoir accès à un contact, à un savoir plus ou moins instantané, un savoir, disons, très, très actuel, mais pas instantané, mais très actuel. Et lorsqu'il était sous hypnose, donc lorsqu'on le manipulait totalement, il avait la faculté de dire des choses. Alors il peut dire à quelqu'un, tu as telle maladie, mange des pommes et fais ceci, fais cela. À un moment donné, Edgar Casey s'était bien fait avertir par les hautes sphères spirituelles de ne pas faire... Il faisait plus qu'une lecture par jour. Il a épuisé son corps physique en épuisant son corps vital et lentement, il s'est épuisé totalement. Épuisant, il n'avait plus la même solidité, il ne pouvait pas gagner les mêmes sphères spirituelles. Alors, pendant l'hétérohypnose ou l'hétérohypnose, il gagnait encore le monde de la mort, l'astral, et il allait lire. Et là, il a commencé à parler de certaines choses qu'il n'avait pas à parler. Son rôle d'expérientiateur de la planète était un rôle de guérisseur. C'était tout. C'était l'un des rares guérisseurs qui n'avait pas de choc en retour. Et il a commencé à faire des prophéties. Ce sont, dans la majorité des cas, révélés faux. On a tout fait pour bien les interpréter, les changer, les casser, mais ça n'a pas marché. Et il a parlé aussi de certaines choses qui relèvent du monde très bas, du monde de la mort. Et ces choses-là, ça ne vaut même pas la peine d'en parler, parce que dans la majorité des cas, ces choses-là n'ont même aucune puissance. Ce sont des histoires. L'énergie qui a compris l'intelligence du supramental dans son idée de créer l'homme a fait une erreur quelque part, puisqu'avant d'être je lis mal, alors que vous écrivez bien. Avant d'être défié, l'homme est sacrifié dans sa terrestrification. Bon, alors donc, l'énergie qui a compris l'intelligence supramentale dans son idée de créer l'homme a fait une erreur quelque part. Non. Il n'y a pas d'erreur. Je vais revenir ici. On va passer à d'autres questions ici, là. Daniel, je sais que vous savez, mais vous avez omis de le dire, que vous saviez que Dieu existe. Je parle du Dieu créateur. Dieu a été créé en même temps que la création. La majorité de l'audience est-elle partie du même faisceau de lumière que toi? Ça me regarde. Mais non. Lorsqu'un porte-parole d'un faisceau lumineux s'énergise et que tout s'indique, quand je faisais de la méditation transcendantale, parfois je passais de dures périodes. Les professeurs disaient que c'était des stress qui sortaient et que mon système nerveux se purifiait. C'est exact. Toujours, toujours, toujours, si un remède ne marche pas, c'est de votre faute. Vous faites une technique et vous avez des problèmes avec, changez donc de technique. Mais on va toujours vous dire que c'est parce que ça purifie. Tuer. de la purification. Vous savez, quand on purifie ses muscles, on purifie le corps, on rejette les muscles. On rejette le système nerveux. On rejette la vie, on purifie. La méditation transcendantale, elle a aidé la majorité de ceux qui l'ont pratiquée. J'ai expliqué la semaine dernière, dans la conférence, ce pourquoi elle l'a fait. Et évidemment, il y a toujours des personnes qui ne sont pas capables de pratiquer une technique particulière et qui devraient en pratiquer une autre. Pour purifier, ça purifiait, c'est absolument exact. Mais c'est pas la méditation qui, dans son essence, purifie, c'est la lutte. Est-ce qu'il y a une grande perte d'énergie quand on a une relation sexuelle sans éjaculation? Bon, pour la femme, non. Pour l'homme, non. Lorsqu'il a une relation sexuelle sans éjaculation, il conserve son énergie. Aurons-nous la possibilité d'aller au bout de l'initiation avant notre mort? C'est-à-dire durant cette vie-ci? Pour certains individus, oui. Qui? N'importe qui, mais on ne sait pas qui. Quel que soit l'âge que nous avons et quel que soit notre degré d'évolution présent, non. L'âge n'a pas d'importance. Ça peut se faire en une demi-heure. Le degré d'évolution actuel, du point de vue du corps physique, de ce qui est cellularisé ainsi que de ce qui est amicalement acceptable, est déterminant. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'être prêt. Un individu peut dire: Ah, moi, je t'en viens, c'est du même cœur, hein, j'arriverai jamais. Il y a des gens plus humbles que bien des gens qui disent: Ah, moi, je suis nouveau, moi, je vais être capable. L'ego ne peut pas savoir ce que c'est que d'être prêt. Alors, il n'y a personne qui peut honnêtement perdre son temps à essayer de vérifier si ça vaut la peine. De toute façon, l'évolution n'est pas entre les mains de l'homme, elle ne lui appartient pas. Alors, on ne pose pas ce genre de questions. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions ce soir sur ce genre de choses. Quand j'étais jeune, j'avais écrit un petit koan. On avait un petit club, là, et puis on écrivait des koans, des petites phrases pour essayer de nous illuminer un petit peu la tête. J'en avais écrit une qui était ceci. Un disciple rencontre un maître, et il pose la question à son maître. Maître, quand serai-je aussi sage que vous? Et le maître répond: quand tu ne poseras plus ce genre de questions? Comment dire de façon juste ce que je veux exprimer? Quand on veut exprimer quelque chose et qu'on le dit d'une façon fausse, c'est premièrement qu'on a une parole fausse, une parole collective, une parole minée, une parole qui nous démolit, une parole qui nous détruit, et simplement parce que tout notre système laryngé, notre système de parole, reste totalement sujet au monde de la mort, c'est-à-dire notre âme. Il y a autre chose. Ce que je veux exprimer, on doit s'organiser pour l'exprimer, mais on reste manipulé bien souvent. La première chose est de parler lentement, pour commencer, et de s'arranger pour laisser faire de quelle façon on parle. Il y a beaucoup de gens qui me disent: ah oui, mais M. Kev, moi, je ne peux pas expliquer ça aussi bien que vous. Pauvre vous. Vous expliquez ça bien, quoi. Moi, je mets les mots qui viennent. Il n'y a rien qui dit. Personne ne peut dire que je parle bien. Personne ne peut dire que je suis érudit. On compare encore des pommes et des oranges. Et parce que je ne me compare pas, je me permets de parler comme je parle. L'individu qui se compare à moi, non, mon travail présentement est un travail de grande gueule. Mais est-ce que parce qu'on n'est pas conférencier ou parce qu'on n'a pas le même verbe que moi, ce que l'on dit est mal dit? Je rencontre des enfants de temps en temps qui me disent des choses très, très, très simples. Dernièrement, il y a une auditrice qui disait qu'un enfant lui a dit qu'à la classe, l'enfant avait l'impression d'être comme un steak dans une poêle. Ah, il n'y a pas la même érudition que moi, mais franchement, c'est clair et net. Ah, pourquoi se casser la tête? Comment dire de façon juste ce que je veux exprimer? Savez-vous ce que vous voulez? Tout ce que vous dites est dit comme vous pouvez le dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dire de façon juste ce que je veux exprimer? Est-ce que ça veut dire comment dire de façon que les autres acceptent ce que je dis? Vous allez dire de façon à ce que les autres me comprennent, mais quand on dit me comprendre, ça veut dire les avoir convaincus. Parce qu'on dit toujours à quelqu'un: non, non, non, tu ne me comprends pas. Quand il vous comprend, c'est quand il vous a convaincu, quand vous l'avez convaincu. Alors si parler veut nécessairement dire être compris, je suis sans doute l'un des humains qui a la parole la plus fausse sur cette planète. Mais on doit parler pour soi. Alors, vous dites à quelqu'un quelque chose, vous amenez une idée, et vous la dites. Le monde vous regarde en se disant pour qui vous prenez ou encore fermez le don. L'important, ce n'est pas les oreilles des autres. L'important, c'est qu'en parlant, vous instruisez votre ego. L'important, c'est vos oreilles. Si vous, vous écoutez. Alors, dites donc ce que vous avez à dire comme vous le dites. Et à la longue, à force de vous écouter, vous allez finir par ajuster votre parole. Mais ça n'a rien à voir avec la quantité de gens qui vont comprendre ce que vous dites. Si vous avez une parole juste, mais qu'ils ont des oreilles fausses, quand vous aurez une parole fausse, ajustez leurs oreilles fausses, vous aurez une parole juste. Faire attention, il y a beaucoup de questions que l'humain se pose, mais qui ne se répondent qu'à partir du collectivisme. Comment puis-je évoluer suffisamment pour être bien vu par tout le monde? Simple, évolue. Sois meilleur que personne, aie besoin de tout le monde. Parle de leur emploi, parle de leurs qualités qu'ils ont, t'as pas. Et là, tu es bien vu par tout le monde. Tu rentres dans une conversation avec des gens et tu dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La personne a dit, moi, je suis mécanicien. Ah oui, là, t'aimes-tu ça? Ah, tabarnouche, je suis l'embarque là. Ils vont toujours vous inviter. Parce que les autres peuvent parler d'eux. Avec vous. C'est comme un chien. Un chien, on aime ça, un chien. Parce qu'on peut tout y dire. Il réplique. Bon. Lorsque l'être humain commence à vouloir parler pour exprimer ses choses, il doit les dire. Ça n'a aucune importance qu'on le comprenne ou pas. Vous allez à l'église, et puis à un moment donné, vous levez la main. Et là, tout le monde se demande ce qui se passe. Il y en a qui vont intellectuellement dire, tiens, il y a un gars qui est un tic. Il est handicapé. Là, si vous agitez la main, il y en a un qui va dire, ben, vas-y aux toilettes. Il y en a qui vont penser que vous êtes détraqué. Et finalement, si vous dites, une question, et là, tout le monde va dire que vous n'êtes pas à votre place. Un autre marginal, un autre évolué, là. Un autre flyer. Puis finalement, si vous posez votre question, quelle que soit la manière de la poser, ça va être posé pour vous. Que le prêtre ou que qui ce soit réponde, ça n'a aucune importance. L'important, êtes-vous capable de supporter votre question? Êtes-vous capable de supporter ce que vous dites? C'est pas nécessaire de demander l'accréditation des autres. Et bien souvent, les gens, lorsqu'ils j'ai formé un séminaire, justement de la parole, qu'on donne de temps en temps ici. Ce séminaire-là, il n'a pas été formé pour que les gens apprennent à communiquer aux autres. Non, c'est pour qu'ils apprennent à communiquer avec eux. Pour qu'ils cessent de se démolir. On a même des personnes qui devraient apprendre, qui devraient suivre un cours d'écriture, juste. Parce que même dans leur écriture, ils se démolissent. Alors, comment dire de façon juste ce que je veux exprimer? Si vous arrivez à dire à votre façon ce que vous dites, ça vient de vous. Ça n'a déjà plus d'importance que tout ce qui pourrait provenir d'un cours. Et si vous parlez en vous détruisant, je pense que j'ai faim. Ah ben, continue à le penser, puis quand tu auras faim, on ira manger. Ah non, ben non, j'ai faim. Ah, ben, c'est de dire que tu parles. Quand tu dis que tu parles, tu m'expliques que tu ne sais pas. Et tu t'instruis que tu ne sais pas. Quand l'individu arrive à dire ses idées, ben pour moi, Dieu, c'est comment je pourrais dire ça? Parole fausse, comment je pourrais dire ça? Au lieu de dire des conneries, dis donc ce que tu as à dire. Alors, Dieu, pour moi, oui, c'est pour toi, on le sait. Bon. Dieu, c'est l'univers. Personne n'a rien compris, mais tu es en train de dire ce qui se passe chez toi, et tu maintenant, tu l'écoutes, tu ne le penses pas, la pensée n'appartient pas à l'homme, tu le dis, la parole appartient à l'homme. Puis l'autre, il dit, ben l'univers, c'est quoi? Alors, là, il commence à te réchauffer. Ben, l'univers, c'est une feuille de papier dans un verre d'eau. Ben, c'est ça. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Et puis, à la longue, parce que l'être humain, il recherche toujours à parler pour être compris. Moi, j'ai une grande gueule. On arrive à me comprendre. Mais, comme vous constatez, je dois en mettre des mots. On ne pas la tête. La création est un accident. Veux-tu nous expliquer un peu? OK, ici, on va repasser. Lorsque j'ai assisté au mini-séminaire, les Québécois de l'an 2000, j'ai rêvé toute la nuit et la nuit m'est parue très longue, mais très agréable. Que s'est-il passé? Ben, la personne est sans doute partie après le mini-séminaire avec suffisamment d'énergie pour se connecter à un futur possible. Et dans ce futur possible, elle a fait un voyage astral et nécessairement l'avenir, le choix de l'homme nouveau, l'avenir possible, l'un des avenirs possibles d'une société intelligente sur la planète. Je ne parle pas de différents pays, différentes nations, je parle d'autres choses, je parle d'autres planètes. Ben, effectivement, c'est très agréable. Parlez-nous du village of ça. un petit peu à la fin, mais à un moment donné, il y aura une conférence sur le sujet en parlant de Société Nouvelle. Ce ne sera pas une soirée d'information, ce sera une conférence sur les phénomènes intelligents au niveau des sociétés. Et donc, nécessairement, OVSOP est un peu tiré de ce phénomène-là. Alors ici, on a quatre questions dans le passé. Quel lien as-tu avec le Nazaréen? Si ça me regarde. Ça ici, il faudra que j'apprenne à lire un peu. L'énergie qui a compris l'intelligence du supramental dans son idée de créer l'homme a fait une erreur quelque part. La création est un accident. Peux-tu nous expliquer? Bon. Ouais. L'homme n'est pas un accident. L'homme est une condition fondamentale à la résorption de l'accident qu'est la création. La création est un accident. Quand le travail créationnel a été commencé, dans la structure même de l'élaboration de ce phénomène créationnel, la tentative d'intentionnaliser une structure localisée dans un endroit sans coordonnées, il n'y a pas de création. Lorsque cela a commencé, on n'avait aucun avenir, aucun passé et aucun présent. On parle donc d'instantané. Et nécessairement, dans ce phénomène créationnel, pour que la création puisse avoir le moindrement la faculté d'être intentionnellement engendrée, il fallait la structuration d'un continuum particulier, un continuum qui avait la faculté de répéter sans arrêt une structure déjà accomplie. On appelle cela la mémoire. Pour pouvoir temporairement permettre l'instauration d'une mécanicité intentionnelle qui permet la restructuration, pas la restructuration, mais la stabilisation des contextes sur lesquels un jour j'aurai des mots, dans un phénomène non créé, il se devait d'y avoir une mémoire. Une mémoire qui permettrait temporairement à des structures non créées de placer de côté une condition à la non-création de façon à la récupérer quelques 10 milliardièmes de ce que vous voudrez plus tard, de secondes. Ce n'est pas instantané. Très rapide. Le problème, c'est que pendant ce 10 milliardième de seconde terrestre, de temps créé, c'est échelonné 15,5 milliards d'années dans une horloge chronomètre beaucoup plus lente que l'instantané. Et après 4,5 milliards d'années, nous sommes là. Et il y a des milliards d'années avant la constitution de notre planète. Cet accident, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui a été de l'instantané placé dans ce milliardième de millionième de seconde, disons dans cette seconde, dans le but de permettre la stabilisation d'un contexte non créationnel, c'est engouffré dans cette seconde et s'y est perdu. Tout ce qui a été placé là, une supra-énergie, a été mémorisé pour être placé dans cette seconde, a été densifié par effusion. On peut se référer à la conférence que j'ai faite au début de l'année sur le processus de l'effusion. Et à travers cela, tout cela a été perdu dans un immense 10 milliardième de seconde qui, du point de vue d'une chronométrie plus lente, plus fastidieuse, peut être aujourd'hui considéré comme étant un peu plus que 15,5 milliards d'années. Pour récupérer tout ce qui s'est perdu, le phénomène intentionnel a mis la main dans la seconde, l'a étendue jusqu'au fin fond de la seconde, sa grippe aux parois de la seconde, et va la ramener. Cette main, c'est l'homme. Nécessairement, chaque fois que la main s'éloigne dans la seconde, elle ralentit, elle se densifie. Et se densifiant, cela engendre des copies conformes, la mémoire du temps, l'âme qui n'est que de la mémoire. Lorsque l'homme arrive à un processus de fusion, l'inverse de la fusion, un processus où ils doivent maintenant se fusionner avec des parties qui sont en train de descendre, que l'être humain spirituellement appelle les dieux, parce que les dieux sont en phase d'involution, l'homme est plus avancé que les dieux, c'est-à-dire que l'homme est plus évolué que les dieux, donc l'homme chronologiquement est plus avancé que les dieux, parce que l'homme va se sortir du monde de la mort avant les dieux, l'homme va se sortir de la création avant les dieux, étant donné que les dieux procèdent après l'homme dans la structure même de notre contexte planétaire. Alors, lorsque l'homme aura fini son travail, lorsque l'homme marche par fusion, ce que nous sommes en train de faire depuis quelques milliers d'années, lentement, la création au complet sera amenée par l'homme, et l'homme aura résorbé la création, donc l'homme aura fait ce que la théologie prétend, l'homme aura rejoint son créateur. Et si on veut le dire en mots justes, l'homme aura détruit la création. Il n'y aura plus de création, donc l'homme sera avec le créateur à la seule place qu'il peut être. L'accident est un contexte très, très, très, très, très bénin du point de vue cosmique. Et il n'y a pas d'accident du point de vue extra-cosmique. Du point de vue créationnel, il y a un accident. Et du point de vue extra-créationnel, il n'y a pas d'accident. L'intentionnalité, l'action, la seule action qui existe dans ce monde, ça l'a été le milliardième de millième de seconde précédant le Big Bang. Tout le reste en découle. C'est réactionnel. Et le petit milliardième de seconde précédant le Big Bang, c'est juste ça, le petit temps créé par les sources supra-énergétiques à l'extérieur même du phénomène créationnel. À l'extérieur de la création, il n'y a pas de temps. Tout ce qui est là est donc éternel. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Et une chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, du point de vue de nous, n'existe pas. Quel âge avez-vous? Bonne question, quand tu n'as jamais eu de commencement. Si tu connais une fin, tu dis « je suis à 40 ans de ma fin ». Nous nous disons « je suis à 40 ans de ma naissance ». Mais s'il n'y a ni fin ni début, il n'y a pas d'âge. S'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas non plus de contact. Il n'y a pas de mémoire et on n'existe pas. Alors, la création est un accident du point de vue créationnel. Le rôle de l'homme, c'est de la ramener. Et pour cela, ça prend des temps. Souvent, l'être humain me dit, oui, mais pourquoi Dieu, ou pourquoi les forces universelles, ou pourquoi le Créateur, ou pourquoi ne nous a pas créé plus brillants, simplement? C'est une fuite. Tout ce qui a été placé dans ce milliardième de seconde s'est perdu dans le temps. Nous sommes des créatures du temps. Nous existons que parce qu'il y a le temps. Dans l'instantané, nous n'existons pas. Nous n'existons pas, mais nous sommes là. Il y a des contextes extra-réactionnels qui sont inexistentiels. Ils n'existent pas. Ils sont là, mais ils n'existent pas. Il n'y a pas de temps. On ne peut pas les photographier. Il n'y a pas de dimension, ni hauteur, ni largeur, ni profondeur, ni temps, ni déplacement, ni avancement, ni recul, ni évolution, ni distorsion. Il n'y a aucune dimension. Mais ils sont là. De notre point de vue, notre langage banal, ils sont là. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les toucher, mais ils nous influencent. Nous sommes des créatures du temps, et parce que nous sommes des créatures du temps, nous sommes assujettis à l'évolution du temps, ce qui fait qu'étant donné que nous sommes assujettis à l'évolution d'un chronomètre très lent, celui de la tombe, nécessairement, toutes les forces extrêmement intelligentes pour venir communiquer avec nous doivent se placer au même chronomètre que nous. Autrement dit, lorsque je roule à 140 km à l'heure, si je veux donner ma pizza à quelqu'un qui roule à 25 km à l'heure, je dois ralentir à son niveau. Lorsque je ralentis à son niveau, nécessairement, je n'évolue plus à la même vitesse. J'ouvre ma fenêtre, je transmets ma petite pizza à lui. Et là, il prend la pizza et on roule à 25 km à l'heure, et puis nécessairement, pour se rendre à notre destination, c'est très long. Et après ça, quand j'ai transmis ma pizza, je repars. Moi, j'arrive, mais l'autre, il va être là. Par contre, je décide de faire, je roule à 140 km à l'heure, j'ouvre ma fenêtre, je lance un pizza au gars qui roule à 25 km à l'heure, il va l'avoir en pleine face, son char va être une pizza. Et c'est pourquoi les dieux font attention. Jamais un dieu passe vite et donne vite à l'homme, parce que l'homme saute. C'est pas beau. Alors, lorsque l'être humain évolue à un rythme, tout ce qui est intelligent descend au même rythme que l'homme, mais descendant au même rythme que l'homme, il ne va pas plus vite que l'homme. N'allant pas plus vite que l'homme, la pizza qui est donnée va à 25 km à l'heure, elle ne va pas plus vite que l'autre. Et celui qui reçoit la pizza va aussi à 25 km à l'heure. Il n'accélère pas. C'est pourquoi je dis que lorsque Dieu veut parler à un chien, Dieu doit devenir un chien. Mais lorsque Dieu est devenu un chien, il n'en sait pas plus qu'un chien. Lorsque Dieu veut parler à un homme, il doit devenir un homme. Et lorsqu'il est un homme, il n'en sait pas plus qu'un homme. Donc, plus l'être humain évolue, plus sa conscience augmente, plus Dieu est arrêté à un niveau plus haut, plus l'homme peut savoir des choses. Quand on parle de Dieu, c'est un terme faux. Dieu est une créature de l'homme. L'homme n'a pas été créé. L'homme a été exprimé. Ce n'est pas pareil. Qu'est-ce qui a été créé? Le temps. Qu'est-ce qui a été créé? La mémoire. Qu'est-ce qui a été créé? L'âme. Qu'est-ce qui a été créé? La souffrance. Qu'est-ce qui a été créé? L'illusion. Pas l'homme. L'homme s'exprime dans ce qui est créé. L'homme reproduit des corps physiques, il ne se reproduit pas. Il s'exprime à l'intérieur. L'homme va dire, j'ai créé un nouveau moteur. Non, c'est l'expression. Tout ce qui touche l'homme ne peut pas être créé. Ce sont des expressions. Des expressions qui sont particulières. Si on regarde la tombe n'a pas été créée. La tombe est une expression de l'énergie. L'énergie n'a pas été créée. L'énergie est une expression de la friction du temps sur l'espace. Le temps et l'espace n'ont pas été créés. C'est de l'expression d'un phénomène éternel. Par contre, tout ce qui n'existera plus lorsque l'univers sera détruit, l'univers est petit lorsque la création sera détruite, ça, c'est des choses créées. L'âme n'existera plus. La mémoire n'existera plus. Ces choses-là n'existeront plus. Alors, l'homme n'est pas une créature. L'homme n'a pas besoin de rechercher un Dieu créateur. Par contre, l'homme peut rechercher un réchauffeur, un énergiseur. Mais pas dans le sens, s'il vous plaît, donne-moi. Ça ne sert à rien. L'homme ne peut pas penser évoluer en continuant à conserver l'idée qu'il sera sauvé. Parce que l'homme n'est pas perdu. La matière est perdue. Le temps est perdu. Perdu en ce sens que ça ne sait pas où ça va, ça ne va nulle part. L'homme n'est pas perdu. Même si l'homme n'a pas encore la conscience de se comprendre, la conscience de comprendre ce qu'il est dans ce système créationnel, la conscience juste de savoir qu'il est sur une planète, la conscience de savoir qu'il est dans un système solaire, dans une galaxie, dans un univers, dans un super univers, dans une création. Même si l'homme n'a pas la conscience de connaître ces choses, l'homme a quand même la conscience de la conscience. Il n'est pas perdu. Il est manipulé par des choses perdues. Des choses perdues qui veulent se retrouver chez l'homme. Savez-vous pourquoi toutes les forces d'évolution, que ce soit satanique, que ce soit arimanien, que ce soit belzébuchien, etc., cherchent à manipuler l'homme? Même les contingences de temps en temps de certains ordres extraterrestres, de certaines formes de hiérarchie cosmique. Simplement parce que s'attachant à l'homme, ils vont évoluer avec l'homme. Donc, ils vont être sauvés par l'homme. L'homme s'attache à son Dieu avec des hameçons. Comme les forces sataniques s'attachent à l'homme. L'homme veut que Dieu vienne le sauver. Toute la matière ainsi que tout ce qui est en bas a comme Dieu l'homme. Alors, s'attache à l'homme. Imaginez-vous que vous êtes dans une société et qu'il ne pleut pas depuis un an. Alors, vous dites, okay, on va offrir la plus belle de nos filles à Dieu. C'est ça que Dieu demande. Les prêtres ont toujours interprété, n'est-ce pas? Alors, on s'en va, on ramasse une fille. Et on lui dit que c'est un honneur, et patati patata, nécessairement, on doit la convaincre, hein, parce que l'humain n'est pas fou, mais manipulable. Alors, après ça, on la place sur un hôtel, on fait une grande cérémonie, de façon à ce que tout le monde émette suffisamment d'hormones, émette suffisamment d'énergie émotive pour nourrir le monde de la mort. Pourquoi? La sécheresse, elle fait sécréter l'hormone dans l'homme. Mais si on tue quelqu'un, il en sécrète peut-être suffisamment pour le combler, le Dieu des deux. Et après ça, ben là, le Dieu fait un échange. Chaque fois que vous me donnez une grosse dose de drogue, vous vous donnez de la pluie. Vous le voyez, etc. Alors, on tue la personne et on fait un chantage. Lorsque l'intelligence est absolument écœurée de voir ce que vous faites, eh bien, elle vous donne raison. Et là, l'humain dit, voilà, Dieu a accepté notre offrande. Mais chaque fois que l'être humain est en contact avec une divinité pour la prier, c'est exactement ce qu'il fait. Continuellement, il s'assujettit à se détruire. L'homme n'a pas été créé. L'homme est une créature du temps dans le sens de l'âme, dans le sens de l'ego, dans le sens de sa souffrance, pas dans le sens de ce qu'il est du point de vue énergétique. Même le Nazaréen prétend que l'homme est le fils de Dieu. Un fils est identique. Et une chose certaine, c'est qu'un fils provient d'un père, et le père provient d'un père. C'est de la reproduction d'état. C'est de la reproduction de forme. Mais en réalité, il n'y a pas de procréation complète, réelle ou totale. Et ça, lentement, l'humain devra finir par accepter cette idée qu'il n'a pas été créé par un Dieu particulier qui vous aime. Vous savez que tous les commandements de Dieu sont contre l'homme. Le Nazaréen a amené des commandements pour l'homme. Deux commandements pour l'homme. Un pour permettre à l'homme d'accepter le deuxième commandement. Et le deuxième pour permettre à l'homme d'accepter l'homme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit, altéré par de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ça permet à tout le monde d'être rassasié. Ça permet au prêtre de le laisser parler. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, c'est pas si je m'aime, je t'aime. Si je m'haïs, je t'haïs. Tu l'aimeras comme s'il était toi. Tu l'aimeras comme toi-même. Tu l'aimeras comme s'il était toi. C'est tout à fait différent. Je peux m'haïr et aimer mon prochain comme s'il était moi. J'ai une affinité énergétique comme s'il était moi. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas expliquer aux gens qu'ils sont les mêmes. Quand tu tues quelqu'un, c'est une partie de toi que tu tues. Cela peut être écologique, cela peut être inécologique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une autre face là-dedans. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras les corps physiques dans lesquels un jour tu iras vivre. Tu aimeras ton prochain corps. Le Nazaréen a amené différentes lois, et cette seule loi est une loi pour l'homme. Toutes les autres lois sont des lois sociales. Pendant longtemps, la spiritualité était le gouvernement sur la planète. Aujourd'hui, la spiritualité est un gouvernement spirituel, mais non pas actuel. Ce sont des gouvernements maintenant qui dirigent le monde. Mais à l'époque, on interdisait le vol par les lois de Dieu. Aujourd'hui, par les lois de la police. L'homme n'a pas été créé par un créateur particulier qui, un jour, s'ennuyant dans son paradis parfait, a engendré quelque chose pour rire de lui. L'homme, ce n'est pas comme ça. La semaine prochaine, on amène un autre sujet. En attendant, vous ne vous prenez pas trop au sérieux, amusez-vous. Tous ceux qui évoluent, vous avez le droit à un cornet de temps en temps.